Prêt pour un peu de nouveauté? C'est la chance au coureur! Bonjour et bienvenue à La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues assez fou pendant la semaine. Mon nom est Mathieu Plante. Et le mien, Caroline Cloutier. Bonjour, Caroline. Bonjour, Mathieu. Bonjour à vous à la maison. Bonjour. Et à vous dans l'automobile. Dans votre vaisseau spatial, j'aime le dire. Dans le train. Dans votre tracteur. En passant la tondeuse. Votre scooter. En train de vous baigner. Votre motoneige. Non, il n'y a plus de neige. J'en ai plus, moi. Un skidoo. Un sidoo. Un sidoo. Un 4 roues. Un 4 roues, ok. Mm-hmm. Un 3 roues. Ok. Moi, j'y vais avec un 4 roues. 5 roues. 6 roues. Moi, je dirais un 10 roues. Genre un gros camion. Bon, tu une gagnes, vanne. Tu gagnes. Ouais. C'est fini. Un cube. Tu l'as. Hey, bonjour à la maison, bienvenue à l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Cette semaine, comme toujours, beaucoup, beaucoup de musique et cette semaine particulièrement beaucoup de francophones. Je regarde ça ici. On a entre autres... Les Roturiers. On a un petit peu de... Alexandre Béliard. Un petit peu de... Et je m'excuse d'avance. Hop. C'est Abd ça. Al-Malik Gibraltar. Uh-huh. Les Ogres du Barbac. Bon, de ça Barbac. Va, ça va aller pour ça. Mais on commence l'émission par... The Navajo Project, qui est un CD canadien que je viens tout juste de piger dans notre collection. Alors, on va l'entendre ça en même temps que vous, en espérant que ça soit bon. On change de concept complètement. Voici une pièce canadienne. Excitant. Voici Focus de la formation The Navajo Project à la chance. Au coureur. Ça... Oh. Au 89.1 FM. bien le temps d'y penser. Deux pièces de The Navajo Project avec leur album Community, les pièces Your Instigation et juste avant, c'était Focus. Ouais, juste dire rapidement que le groupe est un quatuor montréalais, justement formé de 4 personnes. Et puis, on dit que c'est un groupe rock avec une tonalité émanant du Moyen-Orient. Ouais, où ça? Ben, je sais pas. Personnellement, j'en ai pas entendu, mais ça a l'air qu'il y en... peut-être que c'est sur les autres pièces de l'album qu'on n'a pas écouté, là, j'imagine. Mais non, je trouvais ça bon. Puis c'était une bonne pige, parce que comme j'ai dit plus tôt, j'ai pigé dans le fond dans la série de CD qu'on avait. Puis c'est un groupe montréalais, donc c'était quand même une bonne sélection que j'ai faite tout naturellement. C'est très surprenant et j'aime la façon de faire. Peut-être qu'on pourrait continuer ça. Piger les disques. Piger, c'était intéressant. L'album sort le 22 mai. Oui, je vois ça ici, le 22 mai 2007. Il sort en magasin. Il est aussi disponible sur iTunes et un paquet d'autres logiciels. Et si vous voulez plus d'informations sur le groupe, c'est myspace.com/TheNevajoProject. Oui. Belle place. Mm-hmm. Très belle place. On continue, Caroline, avec A Tribute to Polnareff. Oui, ben en fait, j'imagine que c'est de Michel Polnareff dont on parle ici. Probablement. Et je ne connais pas beaucoup Michel Polnareff. Je le connais de nom et je ne connais qu'une toune de lui, qui est Love Me, Please Love Me. Et sur le CD, d'ailleurs, qui a une magnifique pochette rose. Mmh, on retrouve belle. La chanson Love Me, Please Love Me, dont elle était reprise par Aston Villa. D'accord. Mais bon, on va voir de quoi ça a l'air la reprise, mais moi, ça m'intéresse savoir comment est-ce qu'ils ont repris cette chanson-là, parce que moi, elle a une connotation très, très particulière, cette chanson-là, parce qu'on en riait beaucoup au travail il y a quelques années déjà. Ouais, ben si elle est bonne, au moins, ça va me faire une bonne première impression pour Michel Polnareff. Que voici tout de suite à la chance. Au courage. Mathieu fait toujours des erreurs. Ah. C'était la pièce numéro 1 qu'on vient d'entendre. C'était Le Roi des Fourmis par Pulp, qui est bien sûr une reprise de Michel Polnareff. Et là, on va aller vraiment entendre la pièce dont je voulais vous parler tantôt, la pièce numéro 5 qui est Love Me, Please Love Me. À la chance. Au coureur. Pourquoi vous moquez-vous chaque jour de mon pauvre amour. Love me, please love me. Je suis fou. Villa et la pièce Love Me, Please Love Me. Juste avant, c'était Pompe avec Le Roi des Fourmis. Et finalement, je trouvais ça bon. Ben oui. Je sais pas si tu connais la version non. originale de la chanson, mais moi, je trouvais ça pas mal meilleur que la version originale. Tu me disais que c'est très, très mauvais, la version originale. En tout cas, c'est un style particulier, mais pas... Ben, en fait, l'histoire avec ça, c'est que quand j'étais au travail, là, 2 ans à peu près, mon ancien boss avait apporté un CD mix avec, donc, dessus, une toune de Michel Polnareff. Mm-hmm. Mais celle-là, dans le fond, mais live. OK. Puis, quand il dit dans la chanson « Je suis fou de vous », mais là, il dit « Je suis fou de vous », et là, il amplifiait beaucoup le « ou », enfin « ou, ou, ou », en tout cas, plus aigu que ça, mais je le ferai pas. C'est mieux quand Caroline fait l'imitation, mais, pour vrai, c'est pas mal plus convaincant. Mais je le ferai pas à la radio pour vous épargner vos pauvres petites oreilles. Mais moi, ça n'a pas dérangé que tu le fasses aux miennes, par exemple. Non, ben non. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que finalement, c'était pas super. Ouais. Ouais. Très bien fait. Aston Villa, l'artiste avec Love Me, Please Love Me. L'album au complet s'appelle A Tribute to Polnareff. Hein, j'allais dire XIII. C'est 13 Bis Presents. Hey, tu connais bien ton anglais. C'est ça, avec 3 I, c'est 13, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. A Tribute to Polnareff, voilà, qui fait le tour de ça. Maintenant, on passe à un autre album canadien que Caroline a pigé au hasard. Oui, toujours au hasard. J'ai pigé Maria McKee. Avec son album qui s'appelle Late December. Et on va aller entendre tout de suite la pièce titre de l'album qui s'appelle aussi Late December, vous l'aurez deviné. Et on parlera d'elle après. Ouais. À la chance. Très bonne idée. Au courage. Ouais, ah. C'est comme on a une grosse crête. Une crête de CD. On ouais. pige là-dedans. C'est fun. C'est, bon. C'est super excitant. Comme des pêcheurs. Ouais. Avec des poissons. Frozen round my shivering shoulders. Late December. Holy, find their sacred spot now. It's late December. West Side Boys sing an ode to joy. Ben, je sais pas, j'aime pas ça. Ah, oh, mais je trouve ça bon, moi. C'est ouais. relax, elle avait une belle voix. Je trouve que ça s'écoute bien. OK, bon, ben parlons d'elle d'abord. Ouais. Maria McKee est née en 64. C'est une artiste solo, une des membres fondatrices du band de cowpunk country rock, Lone Justice, en 82, avec qui elle a sorti deux albums, Lone Justice, Shelter, et puis un paquet d'autres affaires après ça. Et puis sa chanson Show Me Heaven a été le numéro 1, single numéro 1 au Royaume-Uni pendant 4 semaines en 90. Malade. Donc, elle fait dans l'acoustique folk rock rockabilly. Elle vient de Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Donc, finalement, elle n'est pas canadienne. C'était encore une erreur. Ah, ben, elle est nombreuse. Hein? On te pardonne. Ah, sais. J'espère. Non, mais tu te reprends falloir. Après. Fait que, tu c'est ça, ouais. La c'est pas comme si tu nous induisais dans l'erreur et que tu nous laissais dans l'erreur. Sauf si vous êtes parti juste après que je l'ai dit. Dans ah, ouais. C'est dans votre tête. Ouais. Mais bon, quand même, après 160 quelques émissions de La Chance au coureur, on s'habitue à mes erreurs. On change de sujet, s'il te plaît. OK. Hein? Ça te va-tu? Oui, bon, oui ça me va absolument. Alexandre Billiard nous a envoyé un nouvel album qui s'appelle... Demain, la peur. Mais ça m'intéresse parce qu'Alexandre Billiard est un artiste bien aimé, assez fou. Il joue très fréquemment pendant la journée ici, si vous écoutez régulièrement Alexandre Billiard. Donc, on va entendre une pièce qui s'appelle « L'homme grenouille » pour voir de quoi ça a l'air. Oh, mais allons écouter « L'homme grenouille ». À la chance. Au courage. Et après ça, je vais me rendre compte que c'était Alexander Bellier, quelque chose comme ça. Juste pour faire une autre. Non, ça devrait aller cette fois-là. Ah, d'accord. Renonçant à la terre des hommes, j'ai déserté l'humanité. J'ai fui tout ce qui porte une couronne et cette vie qu'ils aiment tant tuer. Je Je suis parti vers l'océan, adopté, je me suis adapté. Je suis résident permanent, quelque part bien loin sous vos pieds. Je suis maintenant un homme grenouille, je me cache au fond des océans. L'humanité me fout la trouille, je cherche la paix dans le néant. Enfin trouver le repos, bien à l'abri de la colère. Blotti, enveloppé par les eaux, je me suis noyé dans l'univers. Chaque jour ancré dans le silence, je rêve l'histoire à ma manière. J'oublie un peu toute la violence, convaincu que je ne peux rien y faire. Je suis maintenant un homme grenouille, je me cache au fond des océans. L'humanité me fout la trouille, je cherche la paix dans le néant. Réfugié dans ces murs de mer, je goûte la paix du solitaire. Seul dans mon firmament liquide, je me laisse consoler par le vide. Je suis maintenant un homme grenouille, je me cache au fond des océans. L'humanité me fout la trouille, je cherche la paix dans le néant. Je suis maintenant un homme grenouille, je me cache au fond des océans. L'humanité me fout la trouille, je cherche la paix. Je cherche la paix. Je cherche la paix. Je cherche la paix. Je cherche la paix. Est un havre oublié, où auront fait nos frères. achevée. Ici la sagesse ne sera jamais humaine. Ici la détresse ne naît pas de la haine. Il ne manque que toi. Viendras-tu avec moi? Ici le ciel est bleu et froid. Il ne manque que toi. Trois pièces d'Alexandre Béliard, L'homme grenouille ici dans le ciel, et on vient d'entendre Demain la peur, la pièce titre de son tout nouvel album Demain la peur à la chanson courante. Ouais, et la deuxième pièce ici dans le ciel, on connaissait déjà ça. Ben sûrement que ça joue à quelque part. Ben ça joue à Énergie en tout cas, puis bon, je trouvais ça déjà bon, donc bon. Je savais pas c'était qui, maintenant je le sais. Ça arrive, il passe des bonnes choses. Oui. Des fois ils s'en rendent pas compte, par accident il passe des bonnes choses. Alexandre Béliard, Demain la peur, très très bon. Alexandre Béliard, un artiste qu'on connaît, qu'on aime bien, qui a joué sur les palmarès francophones de C'est fou pendant une certaine période. Donc c'est génial. Est-ce qu'on avait des informations là-dessus sur Alexandre Béliard? Je sais pas. Oui, ouais. Ben rapidement, juste dire que son album, dans le fond, raconte l'histoire d'un homme qui, à force de désillusion, a quitté l'humanité et la terre qu'il habite pour se réfugier dans les profondeurs de l'océan. Il raconte ce qu'il voit là-bas. C'est un peu un album concept. Ouais, ouais, c'est oui. Ça me rappelle drôlement là, une émission qui joue assez fou les lundis soirs. Ça s'appelle Leur Concept. Oh. C'est-tu un drôle de hasard? C'est un très, très drôle de hasard. Pas d'allure. Écoutez ça les lundis soirs et en rediffusion, juste après ou presque juste après la chanson coureur, la rediffusion les samedis après-midi et les mardis après-midi, ça commence à 18h. Tu connais ça, toi? Tu connais beaucoup ça. Je crois que c'est ça. Donc, Alexandre Béliard, Demain la peur, génial. Ouais. Super. Maintenant, Caroline, tu m'as pigé quelque chose d'autre, là, comme ça, dans la crate, dans la grosse boîte de nouveautés que C'est fou a reçu cette semaine depuis les 7 derniers jours. Qu'est-ce que c'est? J'ai pigé un autre groupe canadien qui s'appelle The Operation. Là, c'est marqué MD en bas. Je sais pas si c'est pas, ça fait partie du nom du groupe ou si c'est le nom de l'album. Non, le nom de l'album, We Have an Emergency. Ah, ça, c'est le nom de l'album. D'accord. Donc, je suppose que le nom du groupe, c'est The Operation MD. Et tu devineras pas quoi d'autre. La pièce titre s'appelle aussi We Have an Emergency. Oh! Ça commence comme ça. À la chance. Au coureur. Ça a l'air urgent, leur affaire. Voici Chain Reaction, une deuxième pièce de The Operation MD à la chance au coureur. We'll be right back. Operation MD à la chanson coureur. On vient d'entendre la pièce Chain Reaction. Et voici Sayonara. Ouais. Sayonara. Pratiquons encore une fois notre accent japonais. Je pense que ça veut dire bonjour, hein? C'est pas au revoir. Peut-être. Sayonara. Sayonara. La pièce a répondu à notre question. Ouais. Elle a dit sayonara, elle a dit à tantôt, ouais, bye-bye, à plus tard. C'est ce que ça veut dire, sayonara, en japonais? On a aussi la confirmation que ça voulait dire au revoir. Donc, j'ai eu tort, mais c'est pas grave. Une grande personne. Nous a répondu. Donc, voilà, la réponse est donnée et la formation s'appelle The Operation MD. Et les pièces qu'on a entendues, c'était bien sûr We Have an Emergency, Chain Reaction et Sayonara. Sayonara. Et là, on va entendre un peu de franco. Mm-hmm. On alterne. On va aller entendre le groupe Acrophone qui vient de Québec. C'est un grand nom quand même, Acrophone, dans le domaine du rap. Ouais, ben je n'écoute pas de rap, mais je connais le nom. Donc j'imagine qu'ils sont quand même assez connus si je connais le nom. Et voilà. Et on dit ici qu'il ne s'agit pas de faux gangsters, de bling bling et d'histoires des millions, mais que c'est des vrais textes par des vrais poètes urbains. C'est le contraire de 50 Cent. Ouais, 50 Cent. 50 Cent. L'album s'appelle Je t'aime avec un TH. Je t'aime comme dans un thème. Comme un thème. C'est bon, hein? C'est superbe. Bon, mais on va aller entendre quelle chanson, Mathieu? La première, c'est une intro qui s'appelle Hauteville 1984, suivie de la pièce titre Je t'aime. Je t'aime. À la chance. Au coureur. Oh. Bébé. C'est beau. Les années s'empilent, le temps passe, on se voit. Yo, c'est à 90 BPM, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, je t'aime, je t'aime. J'frappe comme quand tu fais un tag sur les indices. Les accents pile sans façon, c'est moi-même. Percé à 90 BPM, je t'aime. Plus les sujets se pointent, plus ma mine s'arrondit. Et c'est à 90 BPM, j'ai grandi. Salivasse, je prends dans l'air funeste, j'écris la rage que j'ai vu naître. Bouge chaque fois avec une inquiétante finesse. Les jeunes se posent dans le vice et cherchent quelque chose à être. Se connaître, à commettre avec eux-mêmes, j'joue pas très honnête. Les idées paient mais j'ai encore que mes revenus nets. C'est une chance que la police porte pas ses lunettes. Peu importe que ton fils fait mal en autant qu'il t'aime. Devenir un artiste que les gens considèrent pas en tant qu'il t'aime. Avec beaucoup de retard mais de retour à la maisonnette. L'originalité pardonne une autre chansonnette. J'ai pas d'inspiration mais j'tiens, t'inquiète, j'ai pas de recette. Le premier disque roule, le deuxième tarde à se remettre. Le ramassis de bullshit sur le net crève. J'fonce les sourcils et regarde ceux qui sur ce sexe. Quand tu gravites les thèmes en bas dans la rue, les gens s'agitent. Dès là j'avoue que dans le bloc il se passe quelque chose de magique. Blah! On jamme et ça glisse. Du needy au hit, un vidéo clip. Le monde est kid, il joue jamais ce split. Quoi qu'a hétéroclip, du stéréotype. Big up, Ricori. Les années sans pile, le temps passe, on s'y voit. Percé à 90 BPM, BPM, j'écris des rimes comme quand j'fais une piste difficile. Mais j'rappe comme quand tu fais un tag. Plus le sujet se pointe et plus ma mine s'arrondit. Percé à 90 BPM, j'ai grandi. On est classé, c'est classe, c'est qu'on réveille les has-been. Je dirais date, c'est mon le trop salivasse. Hey, mais j't'aime, que t'aimes ou t'aimes pas. J'aime quand j't'aime sur 90 BPM de tempo. On veut glisser comme un tree flip de Campo. Non sens plein, non sans phare, j'irime pas de revient pas. J't'aime, c'est pas la chose en tant que telle. C'est dans le contact que tu mets que la musique garde en dentelle. Yo, tu veux qu'on t'aime, man, depuis le temps ça tombe bien. On est back sur scène avec du plomb en tête. Mes phrases partent comme des coups de poing qui déclatent. Écoute bien, on s'en sac d'où tu viens, on de la marque de ton coup de vent. Ici c'est rap, c'est des coups de main, pas des bons. On veut des contacts, on veut des tracks qui durent plus qu'un coup de vent. J'écris des raps sans cesse, c'est pour toujours. J'casse ce qu'on parte, man, on veut laisser notre marque sur le parcours. On reste calme, le scénario on le connaît par cœur. On dépose le produit qui décape ton lecteur. Boom! Acrophonie parmi vous. Ça fait un bout, man, il a fallu qu'on fasse le coup. On débarque avec la haine, l'amour, le doute, on t'aime. On écrit, on s'exprime, on tue les coups. Années sans pile, le temps passe, on s'y prend même. Percé à 90 BPM, BPM, J'écris des rimes comme quand j'fais une piste difficile. Mais j'rappe comme quand tu fais un tag. Plus le sujet se pointe, plus ma mine s'arrondit. Percé à 90 BPM, j'ai grandi. On est classé, c'est classe, c'est qu'on réveille les has-been. Je dirais date, c'est mon le trop salivasse, vite. On s'y promène, percé à 90 BPM, je t'aime. Plus les sujets se pointent, plus ma mine s'arrondit. Percé à 90 BPM, j'ai grandi. Acrophone avec Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime à la chance au coureur. C'était du rap, hein, même c'est si du c'est peut-être bien écrit et bien fait, mais ça reste du rap pour nous, en tout cas. Ouais. C'est une question d'opinion là-dessus, je pense. Oui. Hein? Je ne voudrais pas juger. Non. Mais je n'aime pas beaucoup ça. Moi non plus. Voilà. C'est donc pas c'est grave. Acrophone, qu'est-ce que tu veux, oui, c'est comme Acrophone. Ça. Oui, Acrophone, c'est un band de Québec, un band de rap. Un nouvel album qu'on a reçu qui s'appelle Je t'aime. Si vous voulez vous procurer, ben c'est votre droit. Ah oui. Voilà. Maintenant, on passe à Blackie and the Rodeo Kings. Oui, c'est avec leur album Let's Frolic Again. Je ne sais pas ce que veut dire le mot frolic, mais on dit Let's Frolic Again et on dit que c'est du rock et roots. J'imagine de racines dans le sens de traditionnel, peut-être, dans okay, le sens de country ou je sais pas. Mm-hmm. Moi, c'est ça que ça sonne dans mes oreilles, en tout cas. Ouais. Dans mes yeux, vu que je l'ai lu. Ben on va voir, hein? On va essayer qu'est-ce que ça donne. Je suis en train d'essayer de trouver la définition exacte de frolic parce que je veux pas m'avancer et dire quelque chose de fou. Là. Frolic sur le Wiktionnaire, ça veut dire. Non, ça n'a pas l'air de vouloir dire grand-chose. Ah oui, c'est ça, de faire des petites choses. Là. Mettons un gars, une fille qui vont s'amuser, faire des. Ah, ben je pense que si on peut faire aller notre imagination, on peut avoir des idées. C'est ça. Ouais. Et voici de Blackie and the Rodeo Kings la pièce Better Off Alive à la chance. Au courage. Was it getting too fast? Great. Ready? One, two, one, two, three. Prochaine station, le 89.1. Every day, yeah, yeah. Still feel some other people say you can't see nothing till you cry. So go on, cry, cry. But tonight I wonder just where the answer this feeling, it's down in my bones. This great gut feeling, someday, someday, someday I will be home. Though I might linger and I might fall, I got this feeling that someday everything is gonna be alright. Alright. Bonjour, c'est la deuxième heure de La Chance au coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales, ou en tout cas, à temps partiel, c'est des fois ce qu'on fait, avec Caroline Cloutier et moi. Oui, c'est toujours moi. Bonjour Mathieu. Bonjour Caroline. Et bonjour à vous à la maison où vous soyez. Bienvenue dans cette deuxième heure où on découvre les nouveautés musicales avec vous sans les avoir écoutées d'avance. Oui. C'est un peu ça le concept. Ben, c'est fun. C'est comme faire du spaghetti. Tu lances le spaghetti sur le mur jusqu'à temps qu'il y en ait un. C'est ça. Mais j'ai jamais essayé ça. T'as déjà essayé, toi? Oui, ça restait là pendant un petit bout. Ah, tu l'as vraiment ça? Non, c'est ça. Oh, ouais. C'était une blague. Oh. Une blague, je suis pas aussi salaud que ça. Donc, ben, cette deuxième heure a commencé par encore une autre pièce de Blackie and the Rodeo Kings. Oui, leur album qui s'appelle Let's Frolic Again. Amusons-nous encore entre filles et garçons, comme on pourrait dire. C'est dur à traduire. Ouais. La pièce qu'on a entendue à la fin, c'était How Long? Oui, et rapidement, on dit que c'est un band qui vient d'Hamilton en Ontario. C'est bien ce que tu nous as trouvé, Mathieu? Absolument, tu as tout à fait raison. myspace.com/Blackie and the Rodeo Kings ou encore rodeokings.com, c'est beaucoup plus simple. Les membres sont Tom Wilson, Stephen Fearing et Colin Linden. Et l'album est sorti depuis le 1er mai. C'est du country roots rock. Moi, j'ai bien aimé. Moi aussi, ça fait très, très été, hein? Oui. On se promène en auto avec ça. Oui. Ou à pied. Ou en cheval. Oui, en cheval. Ouais. OK, en cheval, j'aime ça. On continue avec... tiens, on revient à notre francophone. On a dit qu'on faisait un genre de variétas de différents styles musicaux. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre? On s'en va entendre l'orchestre des pas perdus. Ouais, ça me rend perplexe. Je me demande si c'est l'orchestre des pas perdus ou l'orchestre des pas perdus, comme il est pas perdu pantoute. Ah. Oh. Ah, oh, ouais, genre... Ah, ouais. Genre, pas genre je marche ou c'est pas ça? Dans le sens... Non. De non, ouais, c'est ça. Hein? Ben, on sait pas, on va aller voir, mais non, j'avais comme pas pensé au sens de pas je marche. Tu avais pensé ou tu y avais marche-pensé? Quel jeu de mots! Non. Cet album-là, ça m'intrigue. Il s'appelle Projet 9, et puis on dit que c'est du saxophone, du trombone, de la trompette, du cor français, des percussions et du sousaphone. Mais qu'est-ce que du sousaphone? On va peut-être entendre. Ouais. Ça a l'air d'une belle affaire. Ouais. Et c'est le nom de la pièce qu'on s'en va entendre. Voici... La belle affaire de l'orchestre des pas perdus à la chance. Au coureur. Thank you. l'orchestre des pas perdus. Avec la belle affaire. Ah! Et voici une deuxième pièce, Justice Borgne. Ça a fini rapidement, l'autre d'avant. C'était hein? sec un peu, hein, ouais. mais quand même. Ça reste bon. Ben go, écoutons l'autre. Ok, si tu le dis, on y va. Ouais, go. Allons-y ouais. tous ensemble. Ouais. Let's frolic again. Non, c'est pas ça, eux, c'est l'autre d'avant. Ah. Big Band. J'aime ça. Ben, tu trouvais ça aussi que ça faisait... Ah, mais je trouve que tout fait jeu vidéo. C'est avant que t'es tu... T'es un vrai voix. Geek. Oui, c'est ça. J'entendais des fleurs piranha et tout ouais. dans ma tête. Des gros tuyaux verts. C'est ça. Avec un petit bonhomme habillé en habit de plombier. C'est ça, des briques bleues et ouais. puis, des tortues. OK, l'orchestre des pas perdus. Oui, avec leur CD Projet 9. On dit que c'est un groupe, on dit... Un nouveau disque éclectique actuel et 100% acoustique. Et le groupe s'inspire des compositions de Claude Saint-Jean, qui est dans le fond le tromboniste. Ouais. Mm-hmm. Le joueur de trombone. Ouais, le joueur de trombone du groupe, dans le fond. C'est lui qui fait les compositions généralement du groupe. Et on dit que ça s'inspire du jazz, du funk, de la musique actuelle, des ambiances cinématographiques, de la fanfare déjantée. Mm. Ouais, alors okay. c'est un groupe de Montréal, si je ne me trompe pas. Je ne trouve plus. Mais en fait, je pense que oui. OK. Ouais. Puis bon, on dit que c'est un groupe qui parcourt le monde depuis 10 ans, qui sont allés, bon, évidemment au Canada, aux États-Unis, mais aussi en France, au Portugal, en Espagne, à Taïwan et au Mexique. Oh! Donc c'est quand même pas rien, hein? C'est quand même un groupe assez important, on dirait. Pour un groupe québécois, il y a un groupe de ce style de musique vraiment particulier, j'adore c'est ça. Bon! C'est très, très, très, très bon. J'aime c'est beaucoup. Un des petits cœurs que je vais mettre sur ma feuille. Oui, c'est le cœur de la journée. En tout cas, pour tout de suite. Oui, c'est ça. On a un coureur de la semaine à couronner d'ici la fin de l'émission. Ouais. C'est un de nos finalistes pour l'instant. Oui. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas le concept. Bien d'accord. Ça sent bien, ça, ouais, à la fin. Mais d'ici là, par contre, on continue avec une troisième pièce. Piestre. Et que sera cette piestre? Ben, je vais te le dire tout de suite, Caroline. C'est pièce à conviction. Oh, est-ce qu'on a une piestre à conviction? Ben, cadon, oh, ça, ben. C'est beau à voir, ça remplit d'imagination. De joie, de bonheur. À la chance. Au coureur. L'orchestre n'est pas perdu avec Piestre à conviction. Leur album s'appelle Projet 9. Oui, Projet 9. Très, très bon, génial. C'est un des finalistes pour Coureur de la semaine. Oui, on a mis un petit cœur à côté de son nom. C'est déjà fait, gars. Oh. Et bon. On change de style complètement différent pour de langue. Bon, en tout cas, on dit anglophone parce qu'on n'a pas de catégorie pour le suédois. Ouais, c'est du suédois, ce qui me rappelle un peu la semaine dernière quand je vous parlais de Nicolas Sarchivich. Je ne savais pas comment dire son nom. Et puis maintenant, on va encore pratiquer notre accent. La tradition se continue. Ouais. L'artiste s'appelle Dongen. Et l'album s'appelle Tio Bitar, ou je ne sais pas. Quelque chose du genre. Et le titre de la pièce est encore plus intéressant à dire. Il s'appelle Gordetnu. Ou Gor. Gordetnu. Mais en tout cas, c'est la pièce 3, si ça vous intéresse, de l'album Tio Bitar de Dongen. Et si vous connaissez les accents suédois... Ah, ben appelez-nous! Oh, on n'a pas dit numéro de téléphone depuis le début de l'émission. Mais non, appelez-nous, on est en direct présentement, on est vendredi, il est... 10h24, 2 secondes, 3, 4, 5. Bon, alors appelez-nous au 819-376-5183. Si vous connaissez l'accent suédois pour nous l'apprendre, on serait... On vous mettra en onde, si y a de quoi. Ouais, ben et oui. Si vous avez des commentaires via courriel pour les rediffusions, vous pouvez nous écrire via le www.unechance.com. Absolument. Il y a un formulaire de contact là-dessus et vous allez pouvoir télécharger la balado-diffusion en MP3 de l'émission. Un jour. Et ajuster les liens des artistes de l'émission aussi un jour. C'est le fun. C'est bon. Oui. Tellement mon affaire. Voici tout de suite Dungen. Oui, de son album Tio Bitar. La pièce s'appelle Gordetnu. À la chance. Au coureur. La pièce Gordetnu de Dungen et maintenant on va aller entendre la pièce En gang i ar kom det entar. si je prononce bien. Vous voyez pourquoi je l'ai laissé faire là-dessus. À la chance. Au coureur. Dungeon avec... t'as serré le papier, ma... Ouais, j'ai serré le papier, mais ça finissait par ta ou da. Eng, gang, ir, comme det en tar. À la chance au coureur. C'était la pièce... on dirait, je n'ai pas écouté les autres, là, mais c'était, c'était pas mal plus lent que la première qu'on a entendue. Hein. C'est ça. Ouh. On blaguait un petit peu que la traduction en français aurait pu être en immortel. L'album s'appelle Tio Bitar. Et c'est Dungen. Dungen qui est dans le rock psychédélique folk, vient de Västergötland en Suède. Vous pouvez aller voir le Dungen, D-U-N-G-E-N, tradeunionmusic.com ou myspace.com/Dungen. Les membres sont Gustav Estes, René Fisk, Fredrik Björling et Mathias Gustafsson. Absolument. Voilà. C'est des rockers, psychedelic rockers. Suédois. Suédois, voilà. Maintenant, on change de sujet complètement pour aller écouter un petit peu de musique du monde. Oui, ben c'est un CD que je trouve absolument mignon qui s'appelle Animal Playground, Playful Tracks from Around the World. C'est sur la couverture, on voit des enfants jouer avec des animaux. Oui. Mm. Puis là, ben j'en ai pris une au hasard. Puis l'artiste ça s'appelle Phil Melanson ou Phil Melanson. Phil Melanson, je vient ne sais pas de, trop. De la Nouvelle-Orléans. C'est ça. Alors, la pièce s'appelle If a Dinosaur Was My Friend. Ah. C'est beau. Oui. Et on écoute ça maintenant? Oui, à la chance au coureur. Ah, OK. Oh. Amusons-nous, sortons notre cœur d'enfant un peu. Well, I like a brontosaurus. Big eyes, the biggest school bus. He'd be great to play with outside when it rained. Well, I can slide from his head to his tail. or 80 feet I could sail. If a brontosaurus was my friend, well, I'd like a triceratops. You know that rhino with three horns on the top? Triceratops would be great to have at campfires. We could roast marshmallows on his horns, and on his head he could carry the logs. If Triceratops was my best friend, oh, dinosaurs are dynamite. Really rad reptilian sights, cool-blooded animals of awesome size. 4 big feet, 2 big eyes, but I'd like a pterodactyl. I'd name him Daryl, and I could fly on him all around the world. All my friends would say, ain't you cool, as I fly my dinosaur to school. Yeah, that pterodactyl's my friend. Big feet, 2 big eyes. What I'd like to Tyrannosaurus Rex than anything that I would suggest would automatically be the best idea in the world. No one would mess with me again, for they know that in the end, Tyrannosaurus Rex was my best friend. Qu'est-ce que vous feriez avec un dinosaure comme ami? Oui, ben moi, je me promènerais sur son dos, puis je verrais le monde de haut, puis je me ferais des nouveaux amis. C'est ce que je ferais avec un dinosaure. Toi, c'est quoi tu ferais, Mathieu? C'est déjà ce que tu fais avec ton chum. Ben, je me promène pas sur son dos, non. Ah, OK. Je fais sûrement la même chose que toi. Un dinosaure, qu'est-ce que tu peux faire avec, tu sais, plus qu'un chien? En fond, c'est juste un autre animal, tu peux sûrement y lancer quelque chose. Tu penses qu'il va aller chercher? Ouais. Ouais. Ben oui, un dinosaure, vu qu'on sait pas ce que c'est, on peut s'imaginer plein de choses. Ouais, c'est vrai. Tu sais? Et c'est d'ailleurs ce que fait Phil Melançon. Ah, ben, gars. Dans sa pièce, il s'imagine qu'est-ce qu'il ferait s'il avait un dinosaure comme ami. Mm-hmm. Et on dit qu'il parle de différentes sortes de dinosaures, dont le brontosaure, le triceratops, le ptérodactyle et le tyrannosaure rex. Rawr. Donc voilà, voilà, c'était ben ça, la chanson « If a dinosaur was my friend ». Et maintenant, on va aller entendre une autre pièce du même album qui est tout mignon. Mm-hmm. On va l'entendre B.G. Cayman. Non, ça, c'est le nom. Ouais, c'est ça. B.G. Cayman, qui est le nom de la pièce, par Samba Salade. Samba Salade. Oui, Samba Salade. Okay. Bon, on écoute ça et après ça, plus tard, restez là parce qu'on va entendre un petit peu de francophone, dont les roturiers et les ogres de barbac. C'est à venir plus tard à la chance. Au coureur. Thank you. twit. Piggy Caiman, Caiman, Caiman. Piggy Caiman, jump on me, babadi twit twit. Babadi twit twit. Babadi twit twit. Piggy Caiman, jump on me, babadi twit twit. Babadi twit twit. Babadi twit twit. Piggy Caiman, jump on me, babadi twit twit. Biggie Caïman et la chanson coureur. Hey, c'est bon! Oui! Est-ce que tu sais, Mathieu, que Biggie Caïman, ça veut dire gros caïman, qui est une sorte de crocodile? Oh non! La chanson, c'est une chanson qui est célèbre pour les enfants du Suriname, qui est un petit pays d'Amérique du Sud. Mm. Et on dit que là-bas, il faut surveiller les crocodiles et s'assurer qu'il n'y a pas dans le fleuve si on veut se baigner. Ah! C'est parce que j'imagine qu'ils peuvent venir nous manger, ouais, quand on se baigne. Et les paroles de la chanson disent... attendez que je le retrouve. Ah oui. Un gros crocodile profite du soleil en paraissant sur le sable. Lorsqu'il y a danger, il prévient les autres crocodiles en faisant choué choué, comme nous avons entendu dans la chanson. Et ils sautent alors tous dans le fleuve. Ouais, c'est beau. Je sais pas si c'était un crocodile qui chantait à la fin avec choué, sa choué, grosse voix grave. Je ne sais pas, peut-être. Ah, c'était une très bonne chanson. Oui, c'était super mignon. J'ai beaucoup aimé. Ouais. L'album, c'est Putumayo Presents. En fait, c'est Putumayo Kids, la version enfant de Putumayo. Presents Animal Playground, Playful Tracks from Around the World. C'est une compilation de pièces de musique pour enfants qui parlent d'animaux et t'as des leçons d'histoire dans chacun des textes dans le petit livret. Oui, c'est le fun. C'est tellement le fun à acheter pour vos enfants. Et, oui, et Putumayo a plusieurs autres CD aussi de tous les styles de musique que vous pouvez imaginer, la musique asiatique, africaine. Ouais, comme on dit ici, Latin Playground, African Playground, Caribbean Playground, folk, reggae, French, New Orleans et World. Tout ça pour des milliers de dollars si vous voulez tous les acheter. Mais c'est tellement bon, c'est putumayo.com pour aller voir plus d'informations sur leurs albums. Et c'est très mignon. Maintenant, on change de style encore une fois pour passer à d'autres francophones. On a reçu un nouvel album des Ghouls. Ah oui. Hey, le groupe de Québec, il me semble que tout le monde adore les Ghouls. Leur nouvel album s'appelle Les Animaux et voici la pièce Canton. Canton. À la chance. Au courant. C'est spécial, ça. C'est... On va aller voir. J'ai hâte d'entendre ça. Les Ghouls. Deuxième pièce des Ghouls, voici Oh la la, maintenant à la chance, quoi? les Ghouls avec Alala et non Oulala. La chance, la chance au courage. Oh. Juste avant, c'était Canton, deux pièces de leur nouvel album Les Animaux. Oui, qui est le troisième album indépendant de ce groupe qu'on dit déjà mythique. OK. Bon. On dit sûrement bien des choses dans un documentaire, c'est bon quand même. On dit que l'album est composé de textes poétiques, énigmatiques et mordants, combinés à une musicalité accrocheuse, nerveuse, agressive et caressante. Le tout baignant dans la fameuse sauce goulesque aux épices secrètes. Bon, donc ça, c'est un texte écrit par leur agent. Donc, ouais. On s'entend que c'était pas nécessairement la vérité pure. Mais les Ghouls, c'est un groupe apprécié assez fou dans toutes les radios universitaires, dans pas mal le domaine de la musique... un petit peu plus underground que commercial. Ouais. Je dirais pas que c'est ce qu'il y a de plus underground au monde. Les Ghouls, c'est quand même très connu. Leur nouvel album, Les Animaux, m'a l'air très bon. On va continuer à écouter quelques pièces pour question de se faire une vraie bonne idée. D'accord. On écoute une pièce qui s'appelle Coque-l'œil. Coque-l'œil. Oh, coque-l'œil. Comme coq à l'âne. Mais... Ah, ou comme coqueluche. Ou comme coquelicot. Voilà. T'en as un autre? Non. Je gagne, Mathieu. Je gagne. Les Ghouls, la chance. Ouais. Je me sais, je me souviens de je veux, je me vais. Ben oui, gardons ça. Les Ghouls. Oui. À la chance au courage. Oui, de leur album Les Animaux. Hey, et pour ceux qui s'intéressent, l'album va sortir en magasin le 22 mai prochain. Et un lancement spectacle à Québec le 23 mai au Dagobert à 22h et à Montréal le 25 mai au Pouvoir électrique à 21h. Et il va être, si vous écoutez C'est fou régulièrement, vous avez entendu la publicité pour Chaud dans le bois. Chaud dans le bois, c'est ça. C'est Chaud dans le bois. Chaud dans le bois, ça va être le 22 juillet à 20h. Ils vont être là, ça va être à Saint-Fortuna. Donc, les Ghouls vont participer. Et si vous voulez plus d'informations, lesghouls.com ou myspace.com/lesghouls. Saint-Fortuna, c'est où ça? C'est ça. C'est là. C'est tout ce que je sais de Saint-Fortuna. Je suis pas au courant, c'est où. Okay. Désolé. Mais si vous cherchez à quelque part, vous allez trouver ça. Les ghouls, les animaux, très bien. Maintenant, on change. On disait depuis le début de l'émission que Caroline fait des choix dans notre grosse boîte de nouveautés qu'on a reçues, comme à chaque semaine, via Camion Express. Oui. Et elle nous a choisi un album de... Feast. L'album s'appelle The Reminder. Je l'ai choisi, en fait. Je l'ai pigé, puis je l'ai gardé, parce que je trouvais que c'était assez artistique comme pochette. Oui. En carton, avec des photos, une photo en noir et blanc, Une photo en noir et blanc de la fille, en particulier. Ouais. T'as une photo de... Ben, je pourrais pas vous dire exactement c'est quoi, mais ça ressemble à une genre de fleur, ouais, ou quelque chose. Ouais. Puis l'autre, c'est comme des bobines de fil. C'est ça. Et puis, c'est très, très bien fait comme pochette. C'est vraiment beau. Très, très mignon. Enfin, on va l'entendre, une pièce de l'album de Reminder de Feast to Feast. Ouais, chose de genre, c'est beau. Qui s'appelle La Première, mettons. OK. So Sorry. Ouais. Désolé de pas te l'avoir demandé. So Sorry. Oh! So Sorry. À la chance. Au courage. Ouais. Always think after you're gone, when I realized I was acting all wrong. So selfish, two words that could describe. Oh, actions of mine when patience isn't sure supply. We don't need to say fight and cry. We could hold each other tight tonight. We're so helpless, we're slaves to our impulses, we're afraid. Feist à la chance au coureur avec une pièce qui se nomme So Sorry. So Sorry. Ben oui. Moi, j'aime ça. Toi, t'as pas l'air à triper. Ben, c'est pas mon genre de musique, mais je suis sûr qu'avec plusieurs écoutes, peut-être que je m'habituerais. C'est, ouais, c'est un petit peu trop calme pour moi. J'aime mieux la musique joyeuse. Oh non, mais moi aussi, mais tu sais, c'est le genre de musique qui se prête bien à certaines occasions. Je dis pas que j'écouterais ça une à tous les jours. Ouais, ou... Jour de pluie. Jour de pluie. Ouais. Tranquille à la maison. Jour de pluie. Je me demande si ça va être pareil pour la deuxième pièce qu'on s'en va entendre. Elle s'appelle 1, 2, 3, 4. Je vais te laisser le dire, c'est vrai. Ouais, tu voulais me le faire dire, je t'en allais me voler ma place. La prochaine pièce qui s'appelle 1, 2, 3, 4. De Feast, Feist. Ah, la chanson coureur. Sur le. C'est fou 89. Oh. Je sais. Ouais, mais c'est là, c'est pour le... que. Il fallait que je remplisse les trous. Sur le dos d'un dinosaure. Oh. Oui. 1, 2, 3. three, four, tell me that you love me more. Sleepless long nights, that's what my youth was for. Oh, teenage hopes are right at your door. Left you with nothing, but they want some more. Oh, oh, oh, you're changing your heart. Oh, oh, oh, you know who you are. Sweetheart, bitter heart, now I can't tell you apart. Cozy and cold, put the horse before the cart. C'est la troisième heure de La Chance au courant, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à ses pour la semaine. Caroline Cloutier. Oui, bonjour monsieur. Bonjour Plante. Plante. Plante. Non, je sais, on pourrait rester avec juste des prénoms. Ouais. Ça. Matt et Caro. Matt et Caro. Maro. Ouais. Ou Cat. Oh, c'est comme un chat. C'est wow. Fun. Ouais, c'est tellement beau. Donc, on a terminé la deuxième heure par Feist, avec l'album de Reminder. Et on voulait en parler un petit peu avant de l'oublier complètement, tu sais. Oui. Hein? Pourquoi pas. Donc, regardons, c'est du indie folk alternatif de Toronto, en Ontario, près d'ici quand même. Leur album est en magasin maintenant, il s'appelle The Reminder. Vous pouvez trouver plus d'informations sur listentofeist.com ou myspace.com/feist. Vous allez pouvoir entendre, entre autres, les pièces 1, 2, 3, 4 et d'autres qu'on n'a pas entendues aujourd'hui, dont My Moon, My Man et The Park. Il va être en spectacle à plein d'endroits, en Colombie-Britannique, à Alberta, Saskatchewan, à Montréal, au Théâtre Olympia le 1er juin à 20h, à Québec, à l'Imperial Theatre, le Théâtre Impérial à 20h le 2 juin. Et je crois que c'est tout pour les dates au Québec. Mais si vous voulez plus d'informations, encore une fois, leur MySpace est au barbique. Face! Et je pense que tu avais beaucoup plus aimé la deuxième chanson que la première. C'était plus joyeux. Beaucoup plus joyeux et ça, c'était plus dans mes cordes. Ouais. Voilà. Moi, j'ai autant aimé la première que la deuxième. Moi, j'ai bien aimé cet album-là. Cool. À date. Super. On continue avec un album de francophones, Les Ogres de Barbac. Les Ogres de Barbac. Tu m'as dit que c'est un groupe traditionnel. Mm-hmm. Et ils sont à leur 10e album. C'est quand même pas rien, 10e album. Tu n'avais pas entendu parler d'eux, toi. Non, moi, je ne les connaissais pas. Il n'y a pas de 10e album. On aurait dû en entendre parler éventuellement, mais bon, c'est pas grave. On dit que leur chanson festive et l'instrumentation acoustique va faire... ben pas place, mais elle va laisser une place aux guitares électriques au rythme malien, à l'orgue d'église ou à l'harmonium dans leur album qu'ils ont sorti présentement. Et okay. Donc, on va l'entendre une pièce. Mm-hmm. Qui s'appelle, alors, l'album s'appelle Du simple au néant. Du simple au néant. C'est ça? Oui, moi, c'est en plein dessus. J'avais, comme, j'avais la main placée sur le titre de l'album. C'est ça. Fait que je ne la voyais pas. Alors oui, on va aller entendre la pièce, laquelle déjà? Oui, Brebis galeuse. Ah, c'était intriguant. Déjà. Ben, le titre m'a inspiré. Mm. On va aller voir ce que ça donne. Tout de suite, à la chance. Au courage. L'émission qui découvre les nouveautés musicales avec, avec vous. Oui. Et toi. Et nous. Et moi. Nous et vous, vous et nous, et lui. Tout le monde. On a des assistants, des recherchistes dans une cage à l'arrière, eux autres aussi participent à ça. Un petit peu de cri, les gars, non? Non, non, ils veulent pas. Non, sans gêner. Ouais. Il n'y a que le clocher qui dépasse des arbres, il est comme accroché, têtu, fier et de marbre. C'est un petit village où je me rends souvent, une terre que saccagent les bourrasques de vent. C'est un petit village où je me rends souvent, une terre que saccagent les bourrasques de vent. Et la pluie mystérieuse. Il n'y a que le clocher qui dépasse les mains, les corps accrochés. Et la pluie mystérieuse. J'aime assez comme tout et tout semble perdu. Des piafres façon fou, des chats moutons nous. Une terre que c'est un petit amour, habité insensible de fantômes au cœur gros, à l'ombre de la Bible et de vie malheureuse. J'aime assez comme tout et tout semble perdu. Des châteaux bas s'en fout, des piafres aux moutons. On y tue le cochon, on y nourrit les vaches, on pêche le poisson. On cultive la marche de fantômes au cœur gros. C'est un arrière-pays de la s'invite arrogant. Des nuages de pluie, des éclaircies à l'ordre. La calmie est trompeuse. La calmie est trompeuse. La calmie est trompeuse. Car il y a cette histoire qu'on ose raconter. Il y a dans les mémoires des âmes du comté. Sur cette terre aride où je reviens parfois, il y a ces grands cœurs vides d'avoir vu autrefois la folie courageuse. Ils étaient trois enfants, 14 ans, 7 et 8. Ils étaient innocents quand l'histoire s'est écrite. Sur cette terre sans nom, un soir de grande pluie, le courage a dit non et les lâches ont dit oui. Par une nuit affreuse. Ils étaient si petits, on les a débusqués. Trois petites souris que l'on a emmenées. Mon pauvre cul de sac, tu as laissé mourir Sarah, Ellie, Isaac, tu as laissé partir les brebis galeuses. Mon pauvre cul de sac, tu as laissé partir Sarah, Ellie, Isaac, et tu as vu mourir les brebis galeuses. Mon pauvre cul de sac, tu as laissé mourir Sarah, Ellie, Isaac, tu as cru bon trahir les brebis galeuses. Les brebis galeuses, les brebis galeuses. De Barbac, l'album s'appelle Du simple au néant et la pièce s'appelle Brebis galeuse. Je regarde l'album comme ça, je me sens mal un petit peu, tu sais, de pas super apprécier cette pièce-là en tant ben, que telle. Moi non plus, j'aime pas ça. Donc, je me suis dit, on pourrait prendre 1 minute 25 secondes pour une pièce qui dure vraiment pas longtemps. Voici, elle s'appelle 50 ans et c'est toujours sur l'album Du simple au néant. Une et deuxième ça commence chance. Maintenant. Deuxième chance. À la quand chance. On a 50 ans et que l'on n'a rien fait. quand on a 50 ans et que l'on n'a rien fait d'autre que des enfants. D'autre que des enfants qui nous ont satisfaits. Quand on a 50 ans et que l'on n'a rien fait d'autre que des enfants. Quand on a 50 ans et que l'on n'aime plus. Quand on a 50 ans et que l'on n'aime plus personne d'autre que toi. Oubliant lentement les amants du passé, des aventures extra qui nous avaient crisés. Quand on a 50 ans et que l'on n'a rien fait d'autre que des enfants et n'aimant plus que toi. Quand on a 50 ans et que l'on n'a rien vu. Quand on a 50 ans et que l'on n'a rien vu d'autre que ce pays. D'autre que ce pays, que ce département. Oubliant les envies de le voir autrement, délaissant la folie ailleurs et autrement. Quand on a 50 ans et que l'on n'a rien fait d'autre que des enfants dans ce département et n'aimant plus que toi. Quand on a 50 ans et que l'on n'attend plus. Quand on a 50 ans et que l'on n'attend plus d'autres surprises envers dans cette vie sans bleu. Quand les couleurs passées ne nous amusent plus, quand la vie des peintures que le gris nous a eues. Quand on a 50 ans et que l'on n'a rien fait d'autre que des enfants qui nous ont satisfaits dans ce département, n'aimant plus que toi dans cette vie sans bleu. Tout bas, c'est pas si mal que ça. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux. Quand on a 50 ans et qu'on a sous ses yeux une vie sans piquant, une vie c'est si peu. Quand on a 50 ans et qu'on fait le bilan et que l'on est heureux d'avoir ses 50 ans. Les sacs de barbac. 50 ans. Ben oui, 50 ans. J'imagine qu'on a peut-être mal tombé sur les pièces de l'album. Peut-être ouais. Que si on passait l'heure au complet à écouter l'album, peut-être qu'on trouverait quelque chose de à notre goût. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Ce n'est pas le cas. Les sacs de barbac. Du simple au néant. Ouais. Ça c'est tout. Ouais. C'est tout, il n'y a rien de plus à dire. Non. On change maintenant de pas de catégorie, ben, oui, un peu de catégorie, même si ça reste dans le francophone, ça reste dans le ce qu'on appelle, assez fou, le populaire. Le populaire. Populaire. Populaire. Ce prochain groupe s'appelle Alfaro Coco. Alfaro Coco. Alfaro Coco. J'aime vraiment le nom du band, c'est vraiment génial. L'album s'appelle Lever l'encre. Et on écoute la première pièce, Les jours de pluie. Ah, oh, encre, pluie... Ça fait oh, hein? Oh! C'est pas de concept, Alpha ça aussi. Oh! Oh! Oh! La chose au courant! Et tu dors encore. Des dizaines de tempêtes ont soufflé. Des éclairs entonnés par milliers. La rivière a même de son lit débordé. Toi tu devrais peut-être y rester. Rendors-toi. La tourmente est encore au centre de l'histoire. C'est sans même arriver à la voir. Que cette chose déchue qu'on appelle l'espoir disparaît tranquillement dans le noir. Quand le bleu du ciel sera voilé, que le soleil ne pourra plus percer. Lorsque ce jour viendra et que je partirai, crois-moi, je te réveillerai. Rendors-toi. Rendors-toi. C'est pas encore la fin du monde. Pas encore la dernière seconde. Ça sera. Font beaucoup moins de bien que de tort. Sur tes deux oreilles tu dors encore. Si les pleurs sont les joues ont coulé, et le temps plus rien ne peut changer. Lorsque ce jour viendra et que je partirai, crois-moi, je te réveillerai. Rendors-toi. C'est pas encore la fin du monde. Pas encore la dernière seconde. Ce jour de pluie bientôt ça sera. We'll be right back. radio musicale. Pense à toi de la formation montréalaise, Alfaro Coco. Alfaro Coco. Alfaro Coco. À la chanson coureur, c'est du pop électrique indie. Vous pouvez aller voir le alfarococo.com, alpha avec un F et rococo avec des C.com. Les membres sont Justine Laberge et David Bussière. Hein? Ouais. Duo comme ça. Vous pouvez entendre les deux pièces qu'on a entendues, Les jours de pluie et Je pense à toi sur leur MySpace au baroblique alfarococo. Ils vont être en spectacle à Montréal. Le 17 mai prochain à Icter, Soir de la Terre, c'est à 20h. Ensuite, le 27 mai à l'Aérosalon, à 16h, c'est à Saint-Hubert. Et le 6 juillet à 20h au Festivalma de Alma à Québec. Le duo Alpha Coco, composé de Justine Laberge et David Bussière, nous offrira leur tout premier album. Le Temps enflammé présente les textes Des textes reflétant bien leur personnalité, tantôt profond et poétique, tantôt tonique et coloré, Alpha Rococo propose ses compositions sur une musique pop rafraîchissante aux accents rétro et aux grooves ensoleillés. C'est leur texte personnel qu'ils ont écrit eux-mêmes. Je trouve ça un petit peu peut-être trop pop. Ouais, toi, c'est la musique qui t'a pas fait accrocher. Moi, c'est plutôt la voix. Okay. Moi, je trouvais ça très monotone. C'était tout le temps. On dirait qu'ils ont comme décidé, ben, on fait une tune sur un la et on chante sur le la tout le long, hein, presque. Une fois que tu me l'as fait remarquer, je suis d'accord avec toi. C'est tout le temps le même ton de voix. Il n'y a pas vraiment de variation. Mais en même temps, je trouve que leur voix, en tant que telle, est bonne. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans. Mais peut-être, tu peux l'alarmer. Mal exploité ou je sais pas. C'est exactement pas ce que je pense. Peut-être. C'est un duo qui a été formé en 2004, alors qu'ils ont enregistré une chanson par pur plaisir. Et si je vais plus loin, les deux acolytes sont présentement en studio pour enregistrer le fruit de leur plus récente création. J'imagine que c'est l'album qu'on est en train d'entendre en ce moment. Ça dit que le premier album va sortir au printemps 2007, donc oui, c'est bien de celui-là qu'on parle. Allez voir encore une fois le alpharococo.com et leur album s'appelle Levez l'encre. Oui. Maintenant, je change de côté comme ça pour vous dire que Caroline a encore une fois été pigée dans le gros baril. On pourrait changer un baril, mettons. Un baril, une caisse, une... Ouais. Une crête, tantôt, t'avais dit. Ouais, un puits. Ouais. Ça se traîne mal, un puits, par exemple. Mais un puits, ça évoque de l'eau, puis décéder dans l'eau, ben, c'est peut-être pas bon pour non, je pense que la c'est conservation. Mieux pas. Non. Hein. Non, pâte à dents pour les nettoyer, par exemple. Hein? Quand ils sont graffiniers. C'est ce que j'ai entendu dire, ouais. Ouais. Il me semble que... J'oserais pas essayer, j'aurais peur de plus les briser encore. Martin Kuzem. Oui, en fait, on dit pas c'est quel genre de musique, donc je ne peux pas vous le dire, on va le découvrir en même temps que vous, mais on dit qu'il a été découvert par Masatsugu Kawai. C'est Jérôme Miyamoto, là. Ouais. C'est ça. Ouais, Mario Zelda, Martin Kuzem. Ben oui. Mais on dit dans le fond que c'est un des producteurs les plus estimés au Japon, qui a fait un album et dont il a été récompensé pour le Best Asian Album. Meilleur album asiatique? Ouais. OK. On écoute la pièce Believe. Hein? Ouais. C'est la pièce titre? Ben oui. Ben, c'est allons ça. Voir. C'est Martin Kuzem. Ouais. À la chance. Ouh! Tell me what can I say when there's nothing to shout about and not much more to gain. Change my ways. What more can I say? Yeah.

Teinturier avec Soleil Levant, la première pièce de leur tout nouvel album La République à la chance au coureur avec Mathieu Plante, Caroline Cloutier, Danny Janvier vient d'arriver avec nous. Yeah, allô, c'est peut-être juste un intro, hein? Oui, c'est ça. Ben, peut-être que les autres ont des paroles. Vu que tu t'as dit que c'était la première pièce, je me dis ça se peut en masse que ce soit juste un intro. Parce que c'était classé dans franco, mais il n'y a pas de paroles, donc on ne peut pas dire si c'est franco, même faudrait si c'est t'essayer. Les roturiers. Faudrait qu'ils essayent une autre track. C'est ça, on va essayer une pièce qui s'appelle Phil le pédophile. Oh, ça me tente-tu? Oh, oui. Vas-y, oui. Mais attends, faut que je vous lise à l'intérieur, parce que j'ai lu ça l'autre fois, puis je me suis dit, c'est vraiment drôle. Les membres des roturiers, OK? Alexandre 4, Bill Billard, Pic Picard, Rock Larocque, Richard Richard, Belinda Bélanger, Daboun l'Indien, Tyrone Slavinsky, Madame Mamouchu, Butch Bouchard, Le Siffleux de Saint-Herménégilde. Excellent. On dirait un sketch des Denis Drolet. C'est ça. Lesroturiers.com, c'est leur site web si vous voulez aller voir plus d'informations. Ou encore myspace.com, barbique les roturiers qui disent que c'est un groupe de Montréal. Hein? Quand même. Donc, on s'en va. Oh, ils remercient Isabelle Blais. Fait divers. Voici la pièce Phil. Le pédophile. À la chance. Au courant. Le vrai marin, Phil le pédophile, Tom et Jerry, Matt la machine, ben c'est ça, Danny l'oncle d'Anne, tout est là. Ben oui. La chance au coureur aussi, Caroline, Danny, Mathieu, bonjour. Le band s'appelle Les Roturiers, leur album c'est La République, on vient d'entendre Phil le pédophile et je me disais, faisons les fous. Faisons on va entendre une pièce. Défoulons-nous. Que Mathieu a choisi, il faut le spécifier. Oui, mais parce que je trouve que ça pourrait être potentiellement drôle. C'était on une meilleure idée. On va voir. C'était va voir. Ça ou SPM? Tu sais? Et qu'est-ce que c'est le « ça » en question? Le « ça », c'est... pas son. C'est ton pénis. Ben, mon, mais c'est... Wow. C'est le sien. C'est un pénis, à la chance. Au courage. Dormir, ne pense qu'à sortir. Quand je me réveille à 4h du matin dans un lit qui n'est pas le mien, avec à mes côtés une mina qui est la fille de mon voisin. Ce n'est pas malice, ce n'est pas par vice, je suis au service de mon appendice. Il a tiré des problèmes, mais je l'écoute quand même, mon pénis. Faisais des conneries qui t'attirent du mépris, ton pénis. Même si c'est sans espoir, il me fait des accrocs, mon pénis. Quand tu te fais virer de bord, et t'y essayes encore, ton pénis. Quand je me réveille à 4h du matin dans un lit qui n'est pas le mien, étendu à la boîte de l'ancien nom de mon personne qui veut dire mon pénis ici. Mon pénis! Mais moi, j'en ai pas! Ah! Ben, ça, c'est bon, c'est bon. Les Roturiers, la formation de Montréal. Montréal. Les Roturiers, ils font dans le country, vous l'aurez deviné. Ils sont au lesroturiers.com ou encore myspace.com/ les Roturiers. Ils vont être en spectacle autre qu'à Gatineau aujourd'hui, ce soir. Si vous êtes en direct le vendredi, c'est ce soir à 21h au Petit Chicago. Ils vont être aussi au Gambrinus de Trois-Rivières le 15 mai prochain. Ça, c'est mardi. Hein, mardi soir. Ensuite, ils vont être à Montréal, à Québec, à Sherbrooke et à Saint-Luc. Peut-on rire de la pédophilie, du cannibalisme, de l'esclavage, des génocides? Peut-on faire des observations à la fois drôles et mordantes sur la société de consommation, le harcèlement sexuel, la politique, sans tomber dans les clichés moralisateurs? Absolument. Ça, c'est leur document de presse. En deux mots, les Roturiers proposent du country satirique, un portrait à la fois humoristique et intelligent de la société québécoise et des absurdités qui la caractérisent. Les membres sont Alexandre 4 à la voix et la guitare électrique, Bill Billard à la guitare acoustique et la voix, Pic Picard à la contrebasse et la voix, et Rock Laroc à la batterie et la voix. Qu'est-ce que vous pensez des Roturiers? Je trouve ça drôle. J'avais beaucoup aimé l'intro musicale de tantôt qui faisait un peu film western. J'avais trouvé ça très bon. Ouais. Les paroles, bon, sont douteuses, mais c'est rigolo, c'est les bon. Les titres aussi sont douteux. Oui, oui, particulièrement. Il faudrait plusieurs écoutes, là, peut-être. Mais c'est correct, je pense. C'est un style, en tout cas. Oh oui. On peut pas dire. De toute façon, de ce temps-ci, le country, le folk est très fort, fait que sûrement qu'ils vont trouver preneur. Donc voilà, La République, c'est le nom de leur album. Les Roturiers est le nom du groupe. Et on passe maintenant à un des derniers albums de la journée. Ça passe vite. À cette chance au coureur, où on découvre avec vous les nouveautés qu'on a reçues cette semaine via FedEx. Un camion. Un camion, peu importe. C'est les Long Distance Runner. Ouais, Long un disque que j'ai pigé dans notre bois. C'est vrai, il fallait le noter. Oui. L'album s'appelle The Fire of Cumulative Hours et voici la pièce Los Nihongoristas. À la chance, chance au coureur. Et oui, c'est, ça fait le tour. Ça dit que c'est pour les fans de Air, de Caribou, de The Books, Fortet et RJD2. Rien de moins. Ni de plus. Allons voir. Transist. Okay, much fucking. Ouais, c'était fucked up. Hein? Mucho fuck. Mucho fuckito. Long Distance Runner est le nom de la formation. The Fire of Cumulative Hours est le nom de leur album. On a entendu la première pièce qui sonne. Ou piestre. Piestre. Comme vous piestre musicale. Piestre. Très bien. Qui s'appelle Los Nihongoristas. On va écouter une deuxième pièce rapide qui est la pièce titre de Fire of Cumulative Hours. Mais avant, regardons ce que c'est. C'est de l'expérimental électroacoustique. Oui, on l'avait remarqué. C'est ça qui est le mucho fucked up là-dedans. Ouais, c'est l'expérimental, je pense. Hein? C'est ouh! Ils viennent de Portland, en Oregon, aux États-Unis. Vous pouvez aller les retrouver sur long, trait d'union distance, trait d'union runner au singulier.com ou encore myspace.com/LDR Music. Plus évident, ça l'est. Oh, une petite carte, Danny. Qu'est-ce que ça dit? Bon, c'est la même chose que ce que tu as dit, là. Wow. Qu'ils ont fait faire juste 1000 copies, je pense. C'est assez. Qui ont envoyé partout dans les collèges et les radios étudiantes, comme nous. Comme nous, voilà. On est quasiment privilégiés. Oh oui. Mm-hmm, ouais, on est les 1 sur 1000. Bon. C'est pas ben super. Oui. Ben oui. Ben, tu sais, faut prendre ça quand même. C'est un beau compliment. Ouais. C'est leur premier CD. Et vous pouvez le retrouver sur iTunes ou sur cdbaby.com. Mais tout de suite, on ne perd pas plus de temps si on va avoir le temps de passer une dernière pièce de notre courant de la semaine qu'on ne couronne pas tout de suite. Non, on ne couronne pas, mais ça ne devrait pas être très, très long. Une autre pièce de Long Distance Runner. À la chance. Au coureur. Ouais. Ah, c'est fou. Au runner. La chance au runner. Je l'avais même pas vue. Au runner. Je l'avais pas vue, celle-là. Elle est bonne. Hey, vous êtes bon. Vous faites plein de jeux de mots. J'aime ça. Et on s'intègre maintenant dans une grosse équipe, le gars. Wahoo! I'd often dream of going west to see the country. Always vaguely planning and never taking off. I've got nothing better to do today, so I guess I'll take a trip around the world. The phone rang. Bravely, he took the call. There is a definite anxiety, desire to press ahead. Destroying him. sends a troubled world looking for remedies in all directions. On the university campuses, students sit in to protest the existing order. The thing that bothers me is those pictures of horror and terror and torture. Long Distance Runner, The Fire of Cumulative Hours, la pièce titre de leur album. Premier album pour cette formation, ouais, c'est bon. En tout cas, celle-là était un peu moins fuckée, mais c'est très bon. Avec des paroles. Oh, j'ai aimé ça. Ça fait, ça ressemble quasiment un petit peu à ce que tu fais, dans le sens que c'est des, on dirait des clips de voix qu'ils ont pris quelque part et qu'ils ont mis sur de la musique. C'est pas que je compare la musique à, que tu fais à la leur, mais les éléments. Donc voilà, c'est la fin de, la première, de notre chance au courant pour cette semaine, malheureusement. Ça passe vite. 3 heures bien, bien passées. En si bonne compagnie. Ben oui, oh. Je pense la même chose de toi. Oh, de merci. Danny. Non, mais moi, c'est juste 15 minutes, je suis là. Tu vois, ça avait l'air d'une éternité. Donc, c'est ça que je m'en allais dire. Ça a paru plus long. Hein. De la bonne musique aujourd'hui, en général, je trouve qu'on a quand même eu du bon stock, dont, entre autres, le nouvel album d'Alexandre Béliard, de Blackie and the Rodeo Kings. L'orchestre n'est pas perdu, mais notre courant de la semaine devra être celui que Caroline a choisi, je pense. Oui, Putumayo Kids avec Animal Playground. J'ai trouvé ça super mignon, la musique pour enfants qui parle des animaux. C'est la musique du monde. On va terminer par une dernière pièce de cet album-là pour les récompenser un peu, parce que Putumayo, on sait qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de nous. Alors oui, c'est la chanson qui s'appelle Cantiga do Sapo. C'est une chanson qui vient du Brésil et qui est interprétée par Zé Renato. Et ça parle de crapaud. Oui, c'est la chanson du crapaud. D'accord. Et ben, ça va être la fin, donc Caroline, je te retrouve à la connexion la semaine prochaine. Oui, jeudi prochain. Avec moi, c'est l'émission de nouveautés d'informatique, de technologie, de jeux vidéo. Ça, c'est les jeudis, les samedis et les mardis à midi. Dany, la chanson au courant une fois de temps en temps. Fois de temps en temps, oui. Quand ça donne, le vendredi matin à 10h et les samedis et mardis à 14h. Moi, je vous retrouve seul au Palmarès C'est fou les vendredis soirs à 17h et jeudi 14h. Pour toutes les heures de diffusion, allez voir le unechance.com. C'est d'ailleurs là que vous allez retrouver le podcast, la balade de diffusion de l'émission en MP3 et les liens des artistes qu'on entend cette semaine. Pirate. Pirate. C'est un pirate. Passe de la musique illégale là-dessus, moi, là. De la part de Caroline Cloutier et de Dany Janvier qui disent tous les deux au revoir en même temps. Bye, oh, bye. Bye. Et de moi-même, Mathieu Plante. Faites attention à vos genoux. Bonne journée. Et bonne chance. Sapo canta na lagoa, sua toada improvisada ainda às pés. É assim que o sapo canta na lagoa, sua toada improvisada ainda às pés. Tio, oi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei, me diz quanto for, a linha dos dez. Mas tio, oi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei, me diz quanto for, a linha dos dez. É tão gostoso morar lá na roça, numa palhaça perto da beira do rio. Quando a chuva cai, o sapo fica contente, que até alegra a gente com seu desafio. Quando a chuva cai, o sapo fica contente, que até alegra a gente com seu desafio. Tião! Oi! Fosse! Fui! Comprasse! Comprei! Pagasse! Paguei! Me diz quanto foi! Foi 500 réis. Tião! Oi! Fosse! Fui! Comprasse! Comprei! Pagasse! Paguei! Me diz quanto foi! Foi 500 réis. Sua toada